Les membres du conseil municipal de Dolbeau-Mistassini se joignent à moi, Pascal Cloutier, pour vous offrir des vœux de paix et de bonheur à l'occasion des fêtes. Après une année mouvementée, que la magie de Noël apporte joie et gaieté dans vos foyers et qu'elle soit le prélude d'une bonne année 2021. Vos caisses Desjardins du Lac-Saint-Jean vous souhaitent de joyeuses fêtes. Que cette période soit empreinte de douceur et de magie. Et que votre année 2021 soit plus sereine et remplie de petits bonheurs de la vie. Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Le personnel et la direction des transports Véro souhaitent de joyeuses fêtes et remercient ses clients durant l'année qui se termine. Paix, bonheur, amour et prospérité. Ce sont les vœux du groupe Véro, situé au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien. On peut nous rejoindre au 418-679-1573. Dans la période des grandes entrevues, on va faire une entrevue avec un gars qui était très impliqué, probablement la personne qui s'est, une des personnes qui s'est rendue très très loin dans le monde du hockey à Dolbeau-Mistassini, c'est Paul Ménard, est impliqué également dans le domaine des castors de Dolbeau. Salut Paul! Oui, bonjour Danny. Paul, évidemment, la première question que je pose aux gens, parce qu'évidemment c'est une entrevue human, là, connaître le parcours des individus, le hockey, c'est quand tes premiers coups de patin? Et à quel âge à peu près? Comment on dit, probablement un peu comme les gens. On a joué du hockey bottine, puis tout ça, un peu sur des patinoires, des petites patinoires en arrière des maisons. Là. On avait une chez nous, puis moi, d'abord, je suis natif de Chambord. Ça veut dire que après ça, on a dû commencer à patiner avec des vrais patins, là, parce que peut-être vers l'âge de 8 ans, 9 ans, dans ce coin-là. Puis nous autres, on avait une école secondaire qui c'était l'éclair Saint-Viateur qui s'occupait de ça. Donc, il y avait un frère Marlot qui aimait bien le hockey. C'est lui qui nous a montré pas mal les rudiments du hockey là dans le temps Chambord. Puis on allait jouer à l'extérieur un peu, on allait jouer à Desbiens, Saint-Jérôme, Robertval, Lac-Bouchette, des petites parties hors concours amicales, là. Deux voitures, puis toute l'équipe était dans deux voitures, puis toutes compactées, puis on allait jouer nos matchs, puis on revenait, puis c'est ça que ça a été pas mal notre jeunesse là. Du côté hiver. OK, OK. Mais tu as commencé à 8-9 ans à jouer avec la popularité. Ça me surprend ce que tu me dis là parce que tu t'es rendu quand même très loin. Tu t'es rendu aux portes de l'Association mondiale. Puis normalement, les athlètes comme toi, là, les joueurs de hockey, ça commence à jouer à 3-4 ans. Ça veut dire que tu as un méchant bon talent, là. Moi, mais ce qui arrive aussi, quand tu comme moi, c'est un petit Chambord, c'est un petit village. Donc, en réalité, là, tu joues plus pour le plaisir avec tes voisins et tout ça. Puis, comme nous, quand on allait jouer à l'extérieur, d'abord, dans le temps, là, si on se recule dans le temps, il y avait Sears qui vendait des chandails, il y avait les Leafs de Toronto, puis il y avait les Canadiens de Montréal. Donc, en réalité, tu pouvais jouer pour les rouges ou tu jouais pour les bleus. Puis, les fins de semaine, puis même durant la semaine, là, jusqu'à 6 heures, on pouvait aller jouer chez le voisin pour jouer une rencontre, une partie de hockey. Mais à partir de 6 heures, là, c'était marqué, c'est les devoirs, puis le souper, puis... Mais, ça, quand j'étais, après ça, là, c'est comme on dit, avec les années, parce que moi, arrêté officiellement, c'est comme on dit, j'ai toujours joué à l'avant. Puis après ça, à l'âge de 15 ans, là, j'ai fait un volte-face. Puis là, j'ai dit, bon, ben j'avais pas nécessairement un bon coup de patin. Puis, c'est comme on dit, à l'âge de 15 ans, on s'en rend compte là, que quand les autres passent à côté de nous autres, là, puis qu'ils nous dépassent tout le temps, là ben, j'ai dit, vu que je jouais beaucoup à balle, j'ai dit, avec les réflexes que de balle, tout ça, j'ai dit, je pourrais m'essayer comme gardien de but. Puis, à fin de compte, on avait une équipe d'autres intermédiaires, les Aiglons de Chambord, puis qui jouaient dans la Ligue Lac-Saint-Jean-Ouest. Puis, à l'âge de 16 ans, j'ai gardé des filets pour eux autres. Puis, c'est un peu là que je me fais voir par les castors de Debeau dans le temps. Puis, on est allé à deux tournois. Puis, les tournois, il y en a un qu'on a remporté. Puis, justement, c'était mon premier instructeur avec les juniors, les castors, qui jouaient dans l'équipe adverse. Ça veut dire que là, ben, ça a bien été. C'était à Dolbeau, dans l'ancienne arena. Puis, comme on dit, l'année suivante, on est allé au camp d'entraînement. On était 8 gardiens de but avec les castors. Puis, à fin de compte, j'ai fait l'affaire. Mais là, tu vas vite, là. Tu vas trop vite pour moi, là. OK? Donc, après ça, après, tu es allé à 8-9 ans. Après ça, le hockey organisé. Après ça, tes premiers contacts avec le hockey organisé, là, qu'on peut dire, là, c'est quel âge? Ah ben, comment on dit, si tu pars à 15 ans, j'ai fait mon pee-wee, mon bantam, comment on dit, j'ai fait son extérieur à Chambord. Okay. Puis ma première année midget aussi à Chambord. Puis après ça, ma deuxième, c'est là que je suis devenu gardien de but. Puis j'étais là comme remplaçant. Puis, à fin de compte, parce qu'il y a un monsieur Saint-Pierre qui travaillait pour le CN, parce que le Canadien National pour les trains. Nous autres, les gros garages pour réparer les trains étaient à Chambord. Ça veut dire que lui était trop occupé, puis il n'était pas disponible presque cet hiver-là. Donc, ils ont pris une chance, ils m'ont envoyé dans les filets, puis on jouait contre l'Adoré. Puis, comme un peu le monde de Dolbeau connaissent Daniel Savard qui était échevin, puis il était à l'Hôtel de Ville pendant une bonne période de temps, ben, on jouait un contre l'autre dans le temps. On peut dire que c'était le gros hockey organisé là, que je commençais à connaître. Tu avais Gratien Guy aussi. Gratien Guy qui était... moi, je ne sais pas. Là, c'est, dans mes, c'est plus vieux que moi, mais on me dit que c'était un excellent joueur aussi, Gratien Guy. Ah, Gratien, c'est un super joueur. Comment dire, il a joué avec les Castors, si je me souviens, parce que je fais souvent des recherches sur l'histoire des Castors. Puis Gratien, à 15 ans, il avait gagné le championnat des compteurs de la Ligue régionale junior. Là. C'était fort, c'était que. C'était fort, puis ça brassait pas mal aussi. Là. C'est un peu comme si on voit dans les salades, tout a changé maintenant, c'est tout est axé sur la vitesse, pas beaucoup de contact. Donc plus d'ouverture, mais tandis que dans le junior, t'avais des murs à passer, puis il jouait à défense dans ces murs-là. C'est pour ça que c'était pas nécessairement une ligue junior qui était facile. OK. Puis là, quand tu parles de 16 ans, là, c'est à peu près ça là, que tu t'es arrivé pas mal. Là, on peut dire que ça a commencé pas mal là, ta carrière de hockey. Ouais. 16 ans, t'es les Castors de Dolbeau. C'est le junior régional, c'est ça? C'est ça. Là, j'ai monté avec les Castors de Dolbeau. Ça, c'était en 69-70. Ça, c'était ma première année. Puis l'équipe était en transition parce que l'équipe avait gagné tous les championnats en 66-67. Donc, il y a toujours deux ans ou trois ans, un peu comme on voit avec les sacs de Chicoutimi dans le junior majeur. À tous les trois ans, normalement, tu voulais avoir une bonne équipe. Puis là, nous autres, on était dans cette période de transition. Là, une gang de jeunes qui arrivaient comme moi de Chambord, mais il y avait plusieurs joueurs qui arrivaient de Robert-Val, Denis Simard, Benoît Cochon, Jocelyn Bouchard, tout ça, ça venait tout de Robert-Val. On a tout gradué, on va dire, en même temps. Donc, on a eu une année, on avait terminé en troisième position, si je me souviens, mais c'est l'année suivante où, là, on a eu vraiment une grosse équipe, là, pour le junior régional, là, on était respecté, puis on avait tout, on avait un bon instructeur, qui s'appelait Gérard Audette, puis, comment on dit, il avait fait ses preuves. Oui, il est décédé, oui. C'était un excellent instructeur, puis il était proche de ses joueurs. Comme on dit, quand il jouait contre les équipes adverses, là, c'était vraiment, il nous faisait voir que c'était nos ennemis quasiment. Là. Ça ressemblait un petit peu à ça. Okay. Puis, mais j'étais chanceux, j'ai toujours eu des bons instructeurs. J'ai eu Robert Sarsville après ça, puis Robert avait été un très, très bon défenseur. Même, il aurait dû aller plus loin, là, ses études, là, je pense qu'il y avait une préférence entre les études. Puis dans le temps, c'était à considérer aussi. Il y avait l'hockey, mais il y avait les études, puis les parents préféraient que tu aies un travail, comme on dit, à l'âge de 22-23 ans, au lieu de faire des tentatives pour aller jouer au hockey ailleurs. Alors, ça ressemble un petit peu à ça aussi. OK. Dis-moi, puis Michel Tifot, parce que j'ai fait Michel Tifot un peu le même concept que toi. Là. Lui, il me disait que dans ces années-là, les matchs étaient radiodiffusés à la radio et aussi, il y avait du monde en Montadi dans ces années-là. Là. Ah ben nous autres, on a eu du monde justement notre deuxième saison là, en 70-71 où on a gagné le c'était championnat. C'était 100 personnes à peu près facilement par match. Hein? Ah non, tu peux en mettre plus que ça. Tu peux doubler la mise facilement. Okay. Ah oui, ben c'était c'est dur à imaginer, mais comme là maintenant, c'était à Dolbeau, puis ça s'est mis le secteur Dolbeau, l'aréna, c'était elle, l'aréna où on a joué. Mais il y avait personne d'assis, là. Tout le monde était debout sur des madriers. Puis moi, je peux te dire que durant la série, quand on avait cassé la glace, là, les madriers avaient été renforcés parce qu'il attendait beaucoup de monde. Puis dans les articles de journaux là, que je vois régulièrement, là, 2100, 2200, là, c'était des chiffres réguliers. Quand on a joué le provincial après nos séries, nous autres, qu'on avait remporté, Rimouski était venu jouer, puis il y avait 2100 quelques personnes là, pour la rencontre. Okay. Mais tout le monde était debout, puis tout le monde était collé, puis le monde aimait ça être collé quasiment parce qu'il faisait tellement froid dehors, que, là, puis il n'y avait pas de chauffage. Là. C'était la chaleur humaine là, qui réchauffait le monde. Là. Mm-hmm. Ça, quand on était, c'était facilement 2000 personnes. C'était maintenant, Dolbeau, t'as peut-être, je sais pas, on va dire quand la reine était. 1200, ouais. Parce que je peux dire, Armand Vézina, qui dans le temps était gérant de l'équipe de 1950-51, il avait fait tirer une voiture puis il y avait 3000 personnes dans l'aréna. Je sais pas quelle place qu'ils ont serré, que tout le monde était pilé, mais il y avait une mezzanine aussi, hein. Le monde n'a jamais vu cette mezzanine-là ou presque, là, sauf les anciens. Au-dessus du banc des joueurs, il y avait une mezzanine qui faisait tout le tour de la patinoire. Okay. Donc, en réalité, là, tu avais du monde en haut, tu avais du monde aussi en bas, comme on peut voir dans les gros arénas, mais là, c'était en miniature. Hey, c'est incroyable. Là, donc là, arrive, puis là, il arrive l'association mondiale, OK? Puis là, tu commences à être vu par, et tu fais des camps d'entraînement. Moi, qu'est-ce qui est arrivé aussi, en 71-72, j'ai été 3 mois à Verdun, dans la Ligue junior majeure du Québec. Okay. Maintenant, qui s'appelle la Ligue junior majeure du Québec, dans le temps, c'était la Ligue junior, je me souviens plus, là, il y avait plusieurs lettres, là, 2-3-A ou quelque chose comme ça. Puis, j'étais là 3 mois. Puis, en fin de compte, le gardien de but qui était avec moi s'appelait, il s'appelle encore Robert Sauvé, qui lui avait 16 ans. Moi, je gardais les buts sur mon 19 ans, qui était ma seule année. J'étais éligible juste pour cette année-là. Donc, rendu aux fêtes, ils ont aperçu que le plus vieux, qui était moi, le gars de 16 ans, il est facilement l'équivalent, là. Donc, Robert Sauvé, lui, a pris position. Lui, il restait avec l'équipe, puis moi, je suis retourné avec les Castors de Beau dans ce temps-là. Okay. Pour compléter la saison là, de partir des fêtes, on va dire du 10 de janvier versus la fin de saison des Castors plus les séries. Okay. Après ça, là, on est pas. Là, l'année suivante, là, c'est là qu'il y a eu l'AMH qui était le. C'est comme on dit, peut-être, on va dire l'ennemi numéro un parce que c'était une nouvelle ligue, puis il allait chercher des joueurs, des joueurs, mettons, qui étaient sur le point de prendre leur retrait dans l'Union nationale, malgré qu'il y avait Jean-Claude Tremblay, puis il y a eu Marc Tardy, puis Régent Hall, tout ça, qui ont déroulé les Nordiques de Québec, puis la ligue, ça, mettons, commençait à prendre de l'ampleur, mais là, nous autres, les petits nouveaux, ben, c'est comme on dit, on a eu la chance comme moi, j'ai signé pour l'Organisation des Coureurs de Chicago pour 2 ans. Puis, donc, t'avais quand même puis les Cougars de Chicago, puis la filiale était où, hein? Parce que toi, t'as joué dans les filiales. Oui, la première année, c'était à Woonsocket, dans le Rhode Island, le plus petit état des États-Unis. Puis après ça, c'était peut-être à, je sais pas, si on le dit en mille, on va dire une centaine de kilomètres, ou à 70 000 environ de Boston. Puis la deuxième année, t'es à Long Island, là, ou la grosse pomme à New York, là. Hey. Puis tu gagnais quand même des bons salaires à l'époque, là, comme je l'ai fait la conversion l'autre fois, là. C'était l'équivalent d'à peu près 72 et 75 000. Comment tu gagnais comment tu gagnais en 71? 15 000, je pense. Non, c'était 12 000 et... après ça. 12 et 15 000. Le contrat, lui, c'était appelé ça un two-way contract. Là, okay. T'as un salaire, mettons, si tu joues dans les mineurs, on va dire comme nous autres, on était dans la ligne semi-professionnelle. Donc, en été, comme moi, il y a une fois, j'ai monté là-bas parce que j'étais allé garder une partie contre Houston, puis je l'ai vu tout de suite sur mon chèque de salaire de paye. J'avais eu une bonne augmentation parce que il y avait une bonne différence. Là. Si tu signais, on va dire, pour, je sais pas, un contrat de 12 000, ben si tu allais jouer avec la grosse équipe, tu doublais. Ça veut dire que là, dans ce temps-là, ben là, t'étais bien content. Ben oui, 12 000 puis 15 000, t'as même acheté ta première voiture, tu m'as dit ça l'autre fois. Là. Eh oui, oui, ma super Ford Pinto. T'as affronté Bobby Hull. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est. Excusez-moi l'expression, mais il y avait toute une garnotte. Hein? Oui. Puis juste pour démontrer au monde, comme de quoi que ça venait assez rapidement, là, quand on voit une balle de tennis là, là, frappée par Nadal ou tout ça, puis on voit comme les reflets là, qui est d'une balle de tennis, ben, la rondelle, ça venait comme ça. Si tu avançais, puis tu coupais tes angles, puis si ça faisait du bruit, c'est parce qu'il avait frappé la bande, il avait manqué le filet, puis si ça faisait pas de bruit, c'est parce qu'il avait frappé le net, puis et dans ce temps-là, ça fait pas grand bruit. Hein. Puis dans le temps, c'était lui, il était à sa première année, c'est lui qui a fait monter les salaires des joueurs. Lui, à sa première année, il a signé pour 1 000 000. Les équipes se sont toutes cotisées 100 000 $ chaque. Plus, comment dire, la direction de la Ligue payait la différence, là, mais il était le premier joueur à gagner 1 000 000 dans la Ligue mondiale. Donc, ça, l'année suivante, là, beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés, dont Gordie Howe, qui était à la retraite depuis 2 ans, puis ont été le chercher avec ses 2 garçons. Puis là, lui jouait avec Houston. Donc, ça faisait des attractions. Puis la Ligue mondiale, plus ça allait, plus le monde commençait, malgré qu'il n'y avait pas beaucoup d'assistance, là, mais le monde commençait tranquillement à aller vers la Ligue mondiale. Je faisais une entrevue avec Michel Goulet aussi. Hein. Encore une fois, un peu le même principe que tu as fait. Michel a commencé sa carrière dans l'Association mondiale. Puis j'y posais la question. Oui. On dit tout le temps que Jean-Claude Tremblay, ce qui manque à Jean-Claude Tremblay, le fait qu'il n'ait pas autant de renommée, c'est un affront. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Tu l'as connu, Jean-Claude? Moi, je ne l'ai pas connu. Moi, ce qu'on me dit, c'est que Jean-Claude Tremblay a sa place au temps de la renommée. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Ce qu'on me dit, là, c'est parce qu'il a joué dans l'Association mondiale. C'est ça. Dans le fond, il y en a plusieurs qui ont joué dans la saison mondiale qui sont au temple. Là. Donc, ça ne tient pas, cette excuse-là. Là. Puis, ce que Michel disait, c'est que Jean-Claude Tremblay, il va falloir qu'on le reconnaisse éventuellement, parce que c'est lui qui a fait monter les salaires. Entre autres. Ben, oui, parce que arrêtez, c'était en partant, c'était un phénomène. Puis, même là, on voit, pour les amateurs de hockey, là, quand maintenant vous regardez les rencontres, là, les défenseurs recommencent, parce que c'est Jean-Claude Tremblay qui a inventé ça, quand ils passent la ligne rouge pour lancer, au lieu de lancer dans le coin de la patinoire, là, maintenant ils lancent une rondelle sautillante en avant du gardien de but. Puis, il a compté plusieurs filets de cette façon-là, parce que la glace elle use, puis elle brise, puis il y a des petites craques. Hein. Donc, quand la rondelle touche une craque, ben autant elle peut partir à gauche ou à droite, ou des fois elle peut faire un faux bond, puis le gardien de but se fait battre. Même si le gardien de but a des équipements, maintenant c'est quasiment des gladiateurs. Là. Mais Jean-Claude Tremblay, lui, officiellement, il aurait dû être nommé, ça fait longtemps. Là. C'est parce qu'est-ce qu'il est arrivé, il a fait un affront au Canadien. Grosso modo, là, qu'est-ce que moi j'ai vu là, de loin, puis même j'ai eu un commerce de hockey, puis la personne à qui je faisais affaire restait à la baie, ou Jean-Claude Tremblay, mettons, jouait pour dans le temps national de la baie, puis ou de Port-Alfred plutôt, puis c'est je ne voulais pas le voir partir. Puis Jean-Claude Tremblay avait du caractère, puis lui il a dit non, M. Ben Valeur, je m'en vais dans les mondiales si vous augmentez pas mon salaire. Puis ils n'ont pas voulu monter son salaire. Puis je pense que c'est un. C'est cet affront-là là, qui a fait que ça lui a nuit. Là. Parce que quand il est arrivé dans la Ligue mondiale, là, il a rehaussé la Ligue mondiale de par son jeu, de par son talent. Il va falloir réparer ça un jour. Il faut réparer cet affront-là. Mais ça va prendre quelqu'un qui porte le projet. Là. Puis ça, il y a des gens qui ne l'ont pas vu, Jean-Claude Tremblay. Fait que, ça va être dur. C'est en plein ça. Ça va être dur parce que en réalité, on a vu Guy Lapointe a eu de la difficulté. Là. Puis Guy Lapointe, c'était le Big Three du Canadien. Là, puis ils ont eu de la difficulté à le nommer. Il y avait Larry Robinson, Serge Savard, puis Guy Lapointe lui traînait de la patte. Puis c'est des pressions qui ont été faites au niveau des Canadiens. Puis M. Molson, en tout cas, c'est comme on dit, c'est un gentil monsieur parce qu'il a fait des pieds des mains, lui, de son côté, pour dire hey, Guy Lapointe, il était dans le Big Three, il faut qu'il monte au plafond. C'est pour ça qu'ils ont fait une bannière pour. Puis Jean-Claude Tremblay, c'est la même chose, mais je vois pas qui. Ça va prendre quelqu'un qui a du poids, tu sais. Tu sais, Ron Fournier. Ça va prendre quelqu'un qui a du poids. Paul, je veux revenir à toi. Tu n'as pas le Ménard, le joueur de hockey, mais pas le Ménard, le joueur de baseball. Parle-moi du baseball à Dolboom, Sassini. Tu m'en as parlé dans la première entrevue, parce qu'il faut dire qu'on a repris l'entrevue parce qu'on l'avait perdu, là, mais parle-moi du baseball à Dolboom, Sassini. C'était fort aussi, là. Oui. On a eu des bonnes années avec l'équipe qui s'appelait le sportif de Delvaux. Puis il y avait des personnes arrière de nous autres quand ça a parti. Là, il y avait Armand Vézina dans le temps qui était maire. Armand Dumais, c'est lui qui a tout monté le terrain de A à Z. Là, il se promenait avec son camion puis pour réparer le terrain tout ça. Puis on avait un beau bureau de direction. Puis moi, j'ai joué avec les sportifs pendant 3 ans, bon, non, justement avec Michel Tifaut. Au nom des sportifs, et même encore ici, là, j'ai encore le logo, là, parce qu'on avait une mascotte qui s'appelait Moustique, là, puis en tout cas, c'était une très grosse organisation pour, puis durant l'été, ben on rencontrait, c'était du régional, donc on jouait contre Kenogami dans le temps, on jouait contre Jonquière, Chicoutimi, Alma, donc il y avait une bonne compétition, puis justement avec Michel était déjà à Delbourg, lui, dans le temps, il travaillait au poste CHVD, puis, mais il y a une année, entre autres, qu'à Alma, ils ont eu des difficultés, puis ils n'ont pas rentré dans la ligue. Puis on a eu des joueurs qui sont venus d'Alma jouer pour l'équipe de Delbault. Puis on avait des super de lanceurs, dont un Corneau. On a eu Rémi Bédard qui était le receveur. Puis on avait une méchante belle équipe. C'était plaisant de jouer parce que quand la balle était frappée ou quand on recevait la balle dans notre gant, c'était facile à envoyer au premier but parce que, comme on dit, on savait que le gars allait l'attraper facilement. Puis c'était. On a eu beaucoup de plaisir à jouer ce baseball-là, là, régional, mais très bien pratiqué, c'est un beau sport. Ça a-tu duré longtemps, Dolboom Cessny, le baseball? Moi, de mémoire, j'ai l'impression que ça a dû durer probablement 5 ans. Parce que moi, j'ai joué 3 ans comme joueur, puis l'année suivante, j'étais rentré dans le bureau de direction. Parce que là, comment dire, je me promenais d'un bord puis de l'autre, là, puis là, c'était plus difficile, parce que moi, j'avais toujours mon pied à terre à Chambord, mais je travaillais à Dolbeau, parce que le monde de Dolbeau m'avait bien accueilli, puis j'avais du travail aussi l'été, puis tout ça. Donc, en réalité, j'ai l'impression que ça a duré un bon 5 ans, ou peut-être 6 ans, là. Je sais pas s'il y en a qui ont des notes de ça. Moi, j'ai des souvenirs de ce que moi, on avait un veston rouge avec un gros dé dessus, et toutes ces choses-là encore. Je suis pas m'en sûr, je le porte plus, parce que il y a soit qu'il aurait été au lavage ou quoi, là, mais là, c'est comme on dit, c'est un support maintenant. OK. Paul, si permet, on va faire une pause, puis on va parler de Paul Ménard, le gars qui a fait du bénévolat au sein des Casseurs de Beau. C'est plus là que je t'ai connu. Vous êtes à l'écoute de l'entrevue avec Paul Ménard dans le contexte des grandes entrevues sur les ondes de danradiosport.com. Pour le temps des fêtes, Salaison Besson tient à remercier toute sa clientèle pour leur fidélité durant l'année. Durant cette période particulière, profitez-en pour passer du temps en famille, téléphoner aux personnes seules et soutenir les entreprises d'ici. De toute l'équipe de Salaison Besson, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Ici Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est une période privilégiée où chacun peut se reposer et se ressourcer. Afin de démarrer la nouvelle année en force, je vous demande de respecter les consignes gouvernementales. En diminuant nos contacts au minimum, nous pourrons ainsi réduire la contagion de la COVID-19. Profitez de cette période pour encourager nos commerçants et artisans locaux qui ont grandement besoin de votre soutien. Leurs produits sont uniques et seront appréciés, j'en suis certain. Passez un beau temps des fêtes et bonne année 2021. Le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent à toute la population une bonne et heureuse année et vous remercie de la confiance que vous avez témoignée durant la dernière année. Que 2021 vous apporte paix, amour, santé et prospérité. Saint-Félicien Chevrolet, au 762 boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien, 418-679-1605. On est retour à danradiosport.com avec Paul Ménard, l'un des grands bâtisseurs du sport à Dolbeau-Mistassini. Paul, je t'ai connu. On va parler d'un contexte que je te connais beaucoup plus, là, parce qu'on n'a pas la même âge, mais moi, je t'ai connu à l'époque des Castors de Dolbeau. Tu étais dans le bureau de direction et là, tu t'occupes encore des Castors, des anciens Castors. Les Castors de Dolbeau, oui. C'est vraiment une tradition, hein, c'est à Dolbeau-Mistassini. Oui, le beau ben, castor de Dolbeau, là, c'est une tradition. Oui, l'aréna, on peut dire, c'est le domicile des castors, parce que ça a été construit, l'aréna de Dolbeau, dans le temps des années 47, c'est que ça a été construit. Il y avait une équipe, puis quand l'équipe était formée, il y a beaucoup un gros pourcentage qui venait de Shawinigan, parce que entre les deux moulins, il y avait des bonnes échanges, tout ça. Puis en plus, le moulin Dolbeau offrait des emplois. Il y a plusieurs joueurs qui ont joué, comme Camille Lupien, qui a été maire, Jack Bellemare, puis M. Ross, qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps, William Ross, sont tous venus jouer au hockey. Mais après ça, il y avait une job. Il y avait un travail 40 heures au moulin, puis tout ça. Puis l'aréna est venue au monde avec ça, avec cette équipe-là, parce que c'est une condition. S'ils rentraient dans la Ligue, c'était une condition qu'il y ait une bâtisse pour recevoir les joueurs de hockey et les amateurs de hockey. Puis la bâtisse, elle a été bâtie l'année suivante de l'entrée dans la Ligue, mais la toiture a été faite juste un an après, parce que c'était dans l'après-guerre, puis là, il y avait eu de la difficulté avec le métal, puis le métal est arrivé un an après. Donc, ils ont joué une année dans les quatre murs, que le monde connaisse déjà encore, c'est les mêmes quatre murs, mais le toit est arrivé un an plus tard. Tu t'es impliqué dans le monde du sport au sein de avec les Castors. En quelle année? Tu as commencé à t'impliquer vraiment là, avec les frères Martin ou avant? Un petit peu avant, avec Yvon Mescott. Avec Yvon, dans les années 2000, Yvon était mon instructeur. Moi, j'ai toujours fait le travail de gérant. Puis, Yvon était mon instructeur avec les rapides de Mississini. Puis après ça, le bantam aussi de Mississini et Optimis. Puis ensuite, il y a eu le décès de Yvon, puis j'ai pris une année sabbatique. Puis après ça, j'ai recommencé en 2002. C'est là que, justement, avec les deux frères Martin, Patrice, puis Danny, puis après ça, Luc Tremblay, Frédéric Gay aussi, qui est avec nous autres une période de temps. Donc, pendant 7 ans de temps, là, j'étais avec les Castors. Est-ce que je me trompe en disant, là, puis ça, ça en déplaise aux gens de Dolbeau-Mistassini, il y en a eu des bons entraîneurs, mais Yvon Mascotte, c'est pas mal l'une des personnes les plus respectées qu'on a eues à Dolbeau-Mistassini comme entraîneur. Puis il y en a eu des bons. Là. Je veux pas. Normalement, Yvon Mascotte, je veux pas diminuer le travail des autres. Mais Yvon, Il y avait quelque chose. Il était respecté. Premièrement, parce que c'était le professeur de l'école. Déjà, en partant, les gens, puis il était aimé comme professeur d'école. Puis il a fait l'école pendant quoi? Facilement 40 ans? Non, pas 40 ans, il est mort jeune. 30 ans? Oui, j'ai l'impression d'une période de 30 ans. Oui, parce que lui, il est arrivé pour jouer avec les Barons de Dolbeau dans les années 70, là, avec François Gauthier. François est arrivé l'année précédente, puis Yvon, lui, est arrivé de l'Abitibi. Puis il s'est venu jouer pour les Barons, puis après ça, il était un professeur d'éducation physique. Donc, il a commencé. Mais tout le monde le connaissait aussi à l'extérieur, parce qu'il a couru des marathons à Montréal. Après ça, il a, le club à Raymond Buteau, là, pour la course, puis la marche, puis tout ça. Il était tout le temps là. Quand ça prenait quelqu'un pour aller aider Raymond, Yvon était là, puis François, et puis Marcel Tremblay, puis tout le monde collabore ensemble. C'est ça que Yvon a été... Au niveau du coaching, moi, à mon avis, en tout cas, quand on jouait les stats, le statistique, autant dans le junior puis dans le midget, quand où Yvon était avec Jean Lemieux, parce que les deux étaient quasiment tout le temps ensemble, les équipes gagnaient tout le temps. Facile que ça, là. C'est un gars que tout le monde respectait. Autant les parents respectaient Yvon comme instructeur. Puis à l'extérieur, ben, c'était un gars qui était plaisant avec le monde, là. Il aimait ça, fait des farces, puis tout ça. Moi, j'ai joué avec. Beaucoup trop jeune, Oui, entièrement d'accord. Je veux te parler, comme dirigeant, les Castors, les frères Martin, vous aviez vraiment une belle organisation. Là. C'était solide, vous aviez le respect des parents également. C'est pas facile, les frères Martin, ça avait le respect des parents aussi. Oui. Puis les deux, puis moi j'ai appris beaucoup d'eux autres aussi, parce que même si j'étais le doyen du groupe, là, quelque part, Patrice avec le football, puis Danny aussi, là, parce que dans le football, il y a un respect envers les instructeurs, puis c'est 40 personnes, là, puis 40 joueurs, puis des fois, on avait des joueurs, d'autres, il fallait qu'ils aillent en Beauce pour aller pratiquer au football pendant le camp d'entraînement, puis moi je disais, non, il faut qu'ils restent ici, puis là, les deux petits Martin, les autres disaient, non, ils vont aller au football, puis ils viendront, s'ils se font retrancher, ils reviendront jouer avec nous autres. C'est ce que c'est qui arrivait. Puis on a eu plusieurs joueurs de football qui ont été dans la brousse, mais ils sont venus avec nous autres. Il y en a qui ont resté aussi. Là. Mais il y avait une belle discipline, puis une bonne complicité aussi. J'ai adoré travailler avec eux autres. Ouais. Dernier point, je veux te parler. On a parlé d'Yvon Mascotte, mais il faut parler. Tu as été longtemps dans le bénévolat de Boob Sassini. Il faut parler quand même des frères Ouellet. Eux autres, là, ils en ont lassé des patins de jeunes, puis. Maintenant, ils sont décédés, mais il faut parler un peu de l'implication des frères Ouellet de Boussis. Ah oui, parce que moi, j'ai eu les deux. J'ai eu Thomas dans le junior. Puis après ça, là, Thomas, après ça, c'était Jean. Puis avec les Castors Midget, j'ai eu encore Thomas. Puis les deux frères Ouellet, si le monde va à la... Oups! Est-ce que t'es là? Et c'est des personnes qui étaient vraiment gentilles. Puis, moi, je me souviens dans le temps quand... On a perdu pendant quelques secondes. J'aimerais que tu termines. Je veux dire, toi, tu répètes ce que tu as dit. Là, parce qu'on a perdu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Okay. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec la dernière phrase? Donc, tu as eu Thomas et Jean. Oui. Après ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que les deux frères ensemble, parce que si Thomas était dans le midget, Jean était dans le bantam, les deux se suivaient. Donc en réalité, là, un jeune qui jouait au hockey, là, 2 ans bantam, 2 ans midget, il y avait pendant 4 ans, il y avait les frères Ouellet. Puis nous autres, on insistait sur ils vont vous donner un coup de main, mais vous devez les aider. Parce qu'il y en a des fois qui ils s'essayent et disent tu viens avoir fait mon site de hockey. Mais c'était pas ça, c'était tu vas faire ta poche de hockey. Puis quand à tous les matchs, quand on arrivait pour partir, tous les sacs de hockey étaient tous prêts, étaient tous fermés. C'était Jean puis Thomas qui avaient appris de cette façon-là. Puis je peux dire qu'on les disputait des fois parce qu'on voulait pas qu'ils ouvrent les sacs quand on venait, parce que ça sent une odeur terrible. Hein? Ben je peux dire qu'on n'a jamais gagné. Les deux frères Ouellet, dans leurs habitudes, c'est bien de valeur. Les sacs de hockey s'ouvraient, ils restaient là. Et des fois, ils devaient partir pour moi à 2 heures du matin. Puis le lendemain, quand les joueurs revenaient dans la chambre, là, tout était ouvert, tout était sec. Pourquoi? Parce que ces deux frères-là avaient fait un super de boulot. C'est-tu toi qui as organisé une espèce de banderole? C'est toi, hein, qui a organisé ça, hein? Pour les randonneurs, pour les honorer, hein? Une banderole Oui. Plafond, c'est ça. Ah oui, mais il méritait d'endroits et beaucoup d'autres choses. Ouais. Ça n'a jamais été payé, là. C'est comme on dit. On lui donnait un petit montant d'argent quand on allait dans les tournois à l'extérieur. Puis c'était nous autres, maintenant, qui s'occupaient d'eux autres pour qu'ils gèrent bien le portefeuille, autrement dit. Mais ils n'ont jamais demandé de sous. Ils n'ont jamais. Il y avait juste un mot de temps en temps qu'il y avait des petites conditions, mais c'était pour nous autres, c'était juste un plaisir de remplir ces conditions. Oui, oui, oui. Ouais. Paul, il me reste qu'à te souhaiter joyeuses fêtes, une bonne année. Très intéressant. J'avais peur que la première entrevue, parce qu'il faut dire qu'on est. J'ai appelé Paul, gentiment, il a accepté de reprendre l'entrevue parce qu'on en fait tellement durant le temps des fêtes qu'on la perd. Puis j'avais perdu la première entrevue, mais elle a été aussi bonne la première que la deuxième que la première. Merci beaucoup, encore une fois, Paul. Joyeuses fêtes, puis au plaisir de se parler. Merci, puis joyeuses fêtes à tout le monde du secteur de Beaumont-Mississippi. T'es rendu où à Trois-Rivières? C'est ça que je vois, t'es rendu à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, oui, oui, oui. Puis, comme on dit, on ne vous oublie pas, puis les souvenirs restent là avec tout. Quand je vais à Delbeau, c'est pour le regroupement des anciens castors, là. Puis, comme là, soyez pas inquiète, l'armoire va être toute réinstallée, puis tous les objets vont retourner à l'aréna du secteur Delbeau, parce que là, c'est la COVID qui nous ralentit, là. Paul, merci beaucoup pour le plaisir de se parler. Notre ami Paul Ménard, qui nous parlait des castors de Delbeau.